le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission du podcast du Fan Club français des New England Patriots. Alors on va évidemment revenir sur le match de cette semaine face aux Steelers, mais tout de suite laissez-moi vous présenter mes invités de cette semaine, un petit nouveau qui rejoint la grande famille du podcast, c'est Vincent de Bourges. Bonsoir Vincent. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Ben écoute, ici tout va bien. Tout va bien, heureux de faire partie du 21e podcast. Et pour nous accompagner également, le chef statisticien du fan club, Ali. Bonsoir Ali. Bonsoir Cédric, bonsoir Vincent et merci pour cette invitation. Au sommaire de cette émission, nous allons revenir sur le match face aux Steelers, où nous allons parler du duel entre Malcolm Butler et Antonio Brown. Nous reviendrons évidemment sur les satisfactions du match, que ça soit la Garrett Blunt, Marcus Cannon. Et oui, mon cher Romain, Marcus Cannon a fait un bon match. Nous parlerons évidemment du duo magique Brady Gronk et nous parlerons aussi de la performance de Chunk. En deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur les déceptions de ce match, notamment sur la special team, que ce soit Gostowski et Allen qui ont fait une contre-performance. Nous parlerons aussi des turnovers. Est-ce qu'il faut commencer à s'en inquiéter ou c'est juste le fait d'un seul match? Nous parlerons des autres déceptions que sont Rao et Bolden. Et nous terminerons l'émission par la preview du match de la semaine prochaine face aux Bills. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce que j'aurai une petite nouvelle à vous donner en toute fin d'émission, le Fan Club français des New England Patriots, l'émission épisode 21, c'est parti. Vingt-sept seize, c'est le score de New England Patriots dimanche face aux Pittsburgh Steelers. Alors avant de demander l'avis de mes invités, un petit coup d'œil rapidement sur les statistiques. Au niveau des yards, Steelers est devant 375 versus 362 pour New England. Au niveau du jeu de course, on finit avec 140 yards versus 94 pour les Steelers. Un taux de complétion de 3 tentatives de 58%. Et nous verrons les statistiques individuelles un peu plus tard dans l'émission. Alors messieurs, première question et honneur au petit nouveau Vincent, qu'as-tu pensé de ce match? Qu'est-ce que j'ai pensé du match? Première mi-temps, ça a été, hein. je me suis bien amusé, même que les Steelers sont revenus au score, j'ai pris du plaisir. Après la deuxième mi-temps, ça a été plus long, beaucoup de jeux de course, on attendait, donc voilà. On va dire, je suis un peu resté à la fin du match, un peu resté sur ma fin, voilà, sur l'ensemble de la partie. Attendez plus. Ali, tu en as pensé quoi, toi, de ce match? Bah, écoute, ouais, c'était une belle partie, globalement satisfaisante. Bon, on rentrera dans les détails pour constater que tout n'a pas été parfait. Je dirais juste que c'est le fait qu'on n'ait pas eu Roethlisberger était un peu frustrant, parce que ça aurait pu être un vrai test. Mais globalement, ouais, c'était une partie satisfaisante, on va dire. Alors, une des clés de ce match était évidemment le duel entre Malcolm Butler et Antonio Brown. Alors, Antonio Brown finit avec 7 catchs, 106 yards, dont une complétion de 51 yards. Mais ce qui a rythmé tout ce match, ça a été ce duel. Alors, évidemment, que retenir de ce duel? Évidemment, l'interception de Malcolm Butler dans la end zone sur Antonio Brown. Il a aussi dévié 3 passes, ce qui en fait de lui aussi le meilleur corner sur les passes déviées de la ligue. Alors, messieurs, Vincent, qu'as-tu pensé de ce duel? Ah ben heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il était là. Et c'est vrai qu'il a, je me suis encore amusé aujourd'hui à regarder les highlights de Butler sur Antonio Brown pendant tout le match. Non, non, heureusement qu'il a été là, même si il a réussi à catcher 7 passes, hein, je crois, pour 106 yards. Il n'y aurait pas eu Butler, je pense que ça aurait été le double. Hein. Ça aurait fait du Julio Jones, hein, je pense. Hein. Donc, non, non, très bien, très bonne défense en homme à homme, très solide. L'interception, il m'a un petit peu réveillé en début de partie, ça fait du bien. Mais non, sinon, un super match solide et vraiment très présent sur absolument, voilà, sur l'ensemble de la partie. Hein. Ali, enfin, enfin, Malcolm Butler fait une interception, et quelle interception dans la end zone en plus. Enfin, est-ce que ce match va être un déclic pour qu'il arrive à faire des turnovers contre d'autres running backs que les stars de la ligue? Bah écoute, l'interception, autant c'est un duel gagné contre Brown, enfin il a pris le dessus, il a pris l'avantage de la position, autant le lancer n'était pas terrible, donc c'est 50-50, mais bon on va retenir l'aspect positif à savoir qu'il a enfin réussi une interception. Ce qu'on attend quand même d'un shutdown corner. Après, pour ce qui est de son duel dans sa globalité, 109 yards comme ça, enfin de but en blanc, ça peut être, enfin ça peut paraître pas forcément flatteur pour le cornerback, mais bon, faut savoir que enfin quand même Brown est considéré comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur receveur de la ligue, et c'est un receveur qu'en général on n'élimine pas du match, on essaie de le limiter. C'est une belle performance. D'ailleurs, je crois qu'il a été que Butler a été un peu aidé par ses safeties. Brown a été pas mal pris en double team, si je me rappelle bien, ce qui montre à quel point c'est une menace. Je pense que sur ce match-là, on s'en tire bien. Après, effectivement, est-ce que ça aurait été une autre paire de manches si Roethlisberger avait lancé? Ça, on ne le saura jamais. Mais bon, on va retenir l'aspect positif. Alors pour vous, messieurs, est-ce que Butler fait partie de ces tout meilleurs de la ligue? Et est-ce qu'il sera décisif pour le reste de la saison? Vincent? Oui, clairement. Il n'aurait pas été là. Non, la défense aurait été d'un autre niveau. Non, non, en arrière, heureusement qu'il est là. La révélation du Super Bowl, il a confirmé l'année dernière, et là ça se confirme encore, c'est notre principal atout défensif. Clairement, par rapport aux gros défenseurs, c'est notre atout défensif, il n'y a pas photo. Ali, est-ce que tu crois que Butler va nous être très utile pour la fin de saison et surtout être décisif? Parce que de place déviée, c'est bien, il est le meilleur de la ligue, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait peut-être pas aussi faire de turnover? Parce que les passes déviées, c'est juste une tentative. Turnover, on récupère le ballon. Bah, effectivement, enfin dans son contexte et dans la défense dans laquelle on évolue, je pense que Butler est vraiment un atout maître. Je dis bien dans la défense dans laquelle on évolue, parce que si on remarque bien, c'est quand même une défense qui fait pas beaucoup de gros jeux, qui concède beaucoup, qui plie beaucoup, mais qui fait pas, que ce soit en sac ou en interception, qui fait pas beaucoup de jeux spectaculaires, mais qui au final en termes de statistiques s'en sort bien. Et je pense que Butler est la pièce parfaite pour être dans cette philosophie défensive. Après, dire que c'est un des tout meilleurs, je sais pas, faut quand même voir sur la durée. C'est sa troisième année, ça va être l'année où on comptera vraiment sur lui, sachant que l'an dernier il remplaçait Revis au pied levé, il a progressivement rempli son rôle. Là, ça va être vraiment l'année de la confirmation. Je fonde de bons espoirs sur lui pour la suite de la saison. On est tous d'accord là-dessus. Alors, on a parlé de Butler qui était satisfaction du match. Autre grosse, grosse satisfaction de ce match. Il finit avec 24 portées, 127 yards et plusieurs TD dans cette rencontre. Vous l'aurez sans doute reconnu, c'est la Garrett Blunt. Eh bien, messieurs, quand on fait appel à lui, il est présent. Vincent. Et on l'aime. J'adore ce gars. Depuis qu'il est venu, il est rentré dans l'équipe, j'adore. Là, il est puissant, il amène du rythme. Voilà, c'est un showman. Voilà, c'est vraiment le type de running back complet, costaud, quand même tout sur son passage. Et d'ailleurs, je regardais même que c'était depuis le début de la saison, il a marqué son huitième touchdown, record en carrière. Donc peut-être qu'il fera peut-être ça s'il ne se blesse pas, on espère une de ses meilleures saisons depuis le début de sa carrière. En tout cas, il est une des pièces maîtresses à la course, parce qu'on a bien vu que sur l'ensemble du match, il n'y a pas eu énormément d'autres coureurs qui ont pris la balle. Quand on regarde un peu les stats, le seul coureur après lui, c'est Tom Brady. Voilà, donc James White n'a pas couru. Il a marqué un touchdown mais n'a pas couru, donc c'est vraiment voilà, c'est le cheval de trait de l'équipe et bonne partie de début jusqu'à la fin. Heureusement qu'il était là et il a bien soulagé d'ailleurs la partie attaque aérienne dans toute la seconde mi-temps d'ailleurs. Ali, est-ce qu'il ne faut pas mesurer la performance de Blunt sachant qu'en face les Steelers c'est une des plus mauvaises défenses sur le jeu de course? Bah oui, effectivement, c'est ce qu'on dit un peu depuis le début de la saison, c'est qu'on a une équipe qui est capable de modifier son plan de jeu d'un match à l'autre en profitant des faiblesses de l'adversaire. Et là, on a vu que sur un match où Blount pouvait carburer à plein, on s'est pas gêné, on a tout mis en œuvre pour permettre son succès. Donc j'ai revu un petit peu les ces jeux, effectivement, je veux dire, voilà, on a que quand on a nos deux tight end bloqueurs plus James Devlin à côté de lui et que ça court côté gauche où tu as Solder et Tuney, forcément, il y a de grosses chances que sans diminuer le mérite de Blount, il y a de grandes chances que ça lui facilite la vie. Donc, globalement, la performance d'ensemble du jeu de course, Blount plus ses bloqueurs, a été vraiment convaincante. Après, effectivement, c'était pas la meilleure défense contre la course qu'on avait, mais on a vu que dans des matchs comme ça, où on tombe sur un front seven un peu plus faible, ça peut être pas mal. Et ça peut reposer le jeu de passe, prendre le relais du jeu de passe. Tu l'as dit, Ali? Tu parlais de Devlin et Tuney qui ont fait de très bons matchs. Il faut le souligner en termes de. Pour créer des trous, pour bloquer au niveau de la course, ils ont fait de très bons matchs. Mais celui qui a fait aussi un très bon match, et c'est rare pour le souligner, il est même considéré comme le 8e meilleur bloqueur au niveau de la ligne offensive, c'est Marcus Cannon. Il n'a pas concédé une seule pression, il n'a pas concédé une seule pénalité. Il a été là, il a créé des brèches, il a protégé Tom. Vincent, est-ce que ce match va être un déclic pour Cannon ou c'est juste un feu de paille? Déclic, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est vrai que depuis le début de la saison, il a été bon. Hein. Où on a vu par contre que Ned Solder, de l'autre côté, a fait des fautes. Je crois que c'est dans le troisième quart, il y a eu quand même quelques pénalités qui ont été sifflées contre lui, qui ont fait perdre quelques yards. Après, au niveau des blocages, on a vu aussi les blocages de Gronkowski, hein, pour tout ce qu'on disait Ali juste avant au niveau de la course. Voilà, Cannon plutôt au niveau de la protection de Tom Brady, hein, mais au niveau aussi des blocages de Gronkowski et d'Edelman également, qui a fait beaucoup de aider la poche à être gardée. Et oui, c'est ça peut être un déclic. Après avoir avec une bonne grosse défense pour la semaine prochaine contre les Bills. Ali, pour toi, Cannon, c'est quoi? Bah écoute, moi, Cannon, bon, j'ai pas la prétention de m'y connaître mieux que Dante Scarnecchia ou Bill Belichick en termes de jeu de ligne. Donc, si pendant toutes ces années, malgré ses hauts et bas, il a été conservé, il a même été re-signé, c'est qu'il y a quand même un potentiel. Là, je pense qu'il est pas loin du sommet de son potentiel, à savoir que Dante est revenu. Donc, en termes de coaching, c'est beaucoup mieux que les deux années précédentes. Et il ne faut pas oublier non plus que l'an dernier, il a joué sous blessure. Donc, du fait de toutes les blessures qu'on a eues, on a été obligé de le garder dans l'effectif. Donc, là, ça peut être bon, effectivement une confirmation. Après. On rêverait tous d'avoir Vollmer, malheureusement il y a peu de chances qu'il revienne, mais à défaut, Cannon en tacle droit, c'est plutôt convaincant pour l'instant. Moi, je demande à voir sur les autres matchs, notamment les Bills, et plus tard dans la saison, par exemple, contre les Seahawks. On a parlé du jeu de course, qui a été bon, voire même très bon. Et sinon, autre duo qui a été très bon. Évidemment, ils sont de retour. Tom et Gronk, messieurs, ils nous ont encore régalé. Et Gronk, Il est de retour de blessure. Là, il est reparti pour encore nous faire une grosse saison, Vincent. Exactement. Et il a retrouvé son quarterback surtout, parce que pendant les 4 premiers matchs, on l'a très peu vu. Je me demande s'il a dû capter une ou deux passes. Vraiment, rien du tout. Et là, depuis que Tom est revenu, le jeu de passes, bien sûr, a explosé. Et il prend énormément d'ampleur, de plus en plus. Il est en forme. Et s'il ne se blesse pas, ça peut être très fort. Et ça, sauf s'il se blesse. Et je pense que ça va être le gros retour. Ça va être, on va dire, le monstre à deux têtes avec Bennett jusqu'à la fin de la saison, ça c'est sûr. Ali, pour toi, Gronk évidemment est de retour, ça fait du bien, mais j'ai la question que je me pose aussi, c'est Bennett. Comment ils vont exister là-dedans? Gronk, super, il nous fait énormément de bien, mais comment va exister Bennett dans ce jeu? Parce qu'on l'a pas beaucoup vu dimanche. Là aussi, c'est que de match en match, on profite des opportunités que l'adversaire nous donne. Donc il y a des matchs où on verra même très peu le jeu de passe sur les tight ends. Il y a des matchs où on verra plus l'un que l'autre parce que soit on se focalisera sur Gronk, ce qui laissera plus de liberté à Bennett, soit l'inverse. Sur la globalité des matchs depuis que Brady est là, il n'y a pas grand chose à redire sur ni l'un ni enfin l'un ou l'autre. C'est une satisfaction sur le potentiel qu'on peut entrevoir pour la suite de la saison en espérant que ni l'un ni l'autre se blesse. Mais c'est très prometteur. On y voit rapidement, hein, au niveau des snaps faits par chacun des deux tight ends, sur 57 snaps tout au long du match. Gronk en a fait 52, Bennett en a fait 30, pour donner une petite image. Alors, on a parlé beaucoup de l'attaque qui a performé, mais on a oublié aussi quelqu'un qui a fait un très gros match. Il a été auteur de 10 plaquages, pendant ce match, c'est Patrick Chung, notamment pour bloquer Le'Veon Bell. Chung, on a beau dire ce qu'on veut, et bien quand il nous sort des matchs comme ça, ça fait plaisir, Vincent. Tout à fait, c'est vrai, très grand match. On parlait tout à l'heure de Butler dans notre registre. Eh ben, on a notre vétéran Patrick Chung qui, oui, lui est là au niveau pression, il est partout, il voit bien le jeu. Gros match. C'est pareil comme les autres, il faut que ça tienne, il faut que ça continue. Il ne faut pas que le reste, surtout de la défense, repose que sur eux, parce qu'il n'y a pas que Butler, on en parlera plus tard, mais... Eric Rowe a été faiblard. Après, Logan Ryan, pas mal aussi. Mais voilà, heureusement qu'il est en patron dans cette défense. Oula, Vincent, est-ce que tu viens de dire que Logan Ryan était pas mal aussi? J'ai eu comme un doute là. T'as pas peur que le président nous fasse une syncope? C'est dangereux hein, de dire que Logan Ryan a été pas. c'est pas tout seul. Ne te laisse pas censurer, Vincent. Assume tes opinions. Non, Logan Ryan, on va dire, je n'ai pas trouvé si pire que ça. Non, on va en parler tout à l'heure, il y a eu pire. Voilà, ils sont lents, qui n'ont pas la même vue des tracés. Enfin voilà, il y a un niveau dans la défense, certains qui sont assez faibles. Voilà. On en parlera tout à l'heure quand on évoquera le cas de Raw. Alors Ali, qu'as-tu pensé de Chunk? On en reparlera, mais je ne suis pas complètement en désaccord sur Ryan. Le jugement mérite un peu de nuance sur ce joueur, donc on en reparlera. Chung, ça confirme ce qu'il nous montre depuis son retour. Hein. Je pense qu'on peut... ses qualités sautent aux yeux quand même. C'est pas un safety qui brille par des qualités athlétiques hors normes, mais plutôt par sa science du jeu qui peut apporter pas mal de choses dans pas mal de registres différents en défense. C'est on n'a pas forcément beaucoup vu sur ce match, mais c'est à mon sens un des meilleurs défenseurs contre les tight ends. Globalement c'est un très bon safety pour une défense comme la nôtre. Oui, il a été performant, et puis aussi sur la couverture, hein, t'en parlais Ali, il a été là, Chung, il a sorti son match. En général, hein, quand on voit pas beaucoup un safety, qu'on en entend pas beaucoup parler, c'est plutôt bon signe. Là, il a fait quelques beaux jeux, mais quand le reste du temps, on ne le remarque pas trop, c'est que c'est une bonne chose. Là, il n'y a pas beaucoup de choses négatives à dire sur lui. Puisse-t-il continuer ainsi le reste de la saison? Alors, Amen. on a évoqué les satisfactions de ce match qui ont été nombreuses. Mais maintenant, on va passer de l'autre côté de la barrière où on a évoqué les déceptions. Place maintenant aux déceptions de ce match. Alors, on va commencer par le premier gros point de cette rencontre qui commence à faire grandir l'inquiétude des supporters, c'est la Special Team. Alors, on va d'abord parler de Allen et on attaquera le gros morceau qu'est Gostkowski par la suite. Messieurs, Allen a fait un mauvais match au niveau des punts. Est-ce que lui aussi on a commencé à s'en inquiéter? Ou c'est juste une mauvaise passe, parce que ça fait c'est la deuxième fois cette saison où il passe un tout petit peu au travers. Ali. Bah écoute, ouais, enfin bon, j'ai souvenir qu'il a complètement dévissé un punt, donc là c'était un peu l'erreur était flagrante de sa part. Il y a un autre punt qui avait été très bon, mais qui a été annulé par un mauvais jeu de Bolden qui a voulu arrêter le ballon et qui l'a poussé dans l'en-but. Donc oui, enfin globalement, on préférerait ouais qu'il soit régulier comme dans les premiers matchs, mais bon, enfin, ça s'inscrit dans la tendance d'ensemble de la Special Team qui faiblit un petit peu, mais bon, voilà, on reviendra dessus plus globalement, à moins que tu veuilles que je te donne mon avis d'un coup. Je vais demander l'avis de Vincent sur Allen et après on attaquera sur la grosse partie de la Special Team. Non, moi, Allen, ça m'a, on va dire que j'ai pas été ni surpris, ni déçu, ni. Voilà, il n'a pas fait un match magnifique. Oui, il a dévissé un punt. Il y en a un qui l'a bien placé, mais bon, ça n'empêche pas tout ce qu'il a pu faire de quand même de pas mal depuis le début de la saison. Je me demande, c'est pas le match dernier ou l'avant-dernier où il plaçait à chaque fois le départ de l'équipe adverse dans les 15 yards, donc ou même dans les 10. Hein. Donc non, non, non, non. Après, on n'est pas avide d'un match un peu en deçà, mais bon. Ce qui est, voilà, après, c'est surtout le sujet qu'on va parler après, c'est le pour l'instant qui n'arrive pas à remonter la pente et c'est Stephen Kostkowski. Exactement, Vincent, tu l'as dit, il ne remonte pas la pente, il a encore raté un extra point. Gostkowski. Bon, messieurs, parlons-en. Qu'est-ce qu'on fait? On recrute quelqu'un d'autre? On l'aide? On essaie de le soutenir? Mais lui-même, c'est qu'il passe complètement au travers. Ali, qu'est-ce qu'on doit penser définitivement de Gostkowski? Bah écoute, moi enfin j'ai eu une lecture assez intéressante, d'ailleurs je la republierai en même temps qu'on publiera le podcast, qui me montre un petit peu d'un point de vue technique les changements dans la gestuelle et dans la mécanique de Gostkowski qui peuvent expliquer son irrégularité. Il y a une autre théorie, mais bon, ça, c'est le fait que sur les kick-offs, avant, en gros, il frappait le plus loin possible pour envoyer un touchback, et là, c'est plus des coups de pied placés, donc peut-être que ça modifie sa routine en cours de match. Bon, après, c'est des petites explications ou des petites justifications techniques. Après, peut-être que le plus gros est plutôt mental. Bon, comme je le disais la dernière fois, je m'inquiéterais si vraiment ça se prolonge. Je me suis intéressé à un cas de figure d'un kicker qui fait l'unanimité ici, c'est Adam Vinatieri. Je me suis un peu intéressé à ce qu'il dit, enfin, s'il avait eu des périodes comme ça dans sa carrière. Faut se rappeler, pour les plus anciens, que sa première année en 96, il a failli être cuté au bout de 3 matchs. Il y a une anecdote assez intéressante que raconte Bill Parcells, qui était entraîneur à l'époque, qui raconte qu'en fait, il avait eu, je crois, quatre field goals ratés d'affilée. Et durant voilà, le troisième match de la saison, je crois, Parcells l'a envoyé pour taper un field goal. Et il lui a glissé dans l'oreille. Voilà, t'as intérêt à le marquer celui-là, sous-entendu, si tu le marques pas, ça va mal se passer. Et la suite de sa carrière, on la connaît. Ça, c'est pour ses débuts. Et pour un peu plus tard dans sa carrière, en 2005, le troisième Super Bowl qu'on a gagné, faut se rappeler qu'il a raté deux field goals, qui étaient j'ai vérifié, qui étaient des field goals de courte distance, de 30 et 31 et 34 yards, je crois, avant de marquer son field goal victorieux. Donc, la réussite, bon, c'est quelque chose qu'on a du mal à s'expliquer, enfin les hauts et les bas des kickers, mais bon, globalement, faut essayer de faire confiance à Gostkowski sans trop s'inquiéter. C'est quand même un des meilleurs kickers de tous les temps et l'un des deux meilleurs de l'histoire des Patriots. Donc j'ai envie de lui faire confiance et d'espérer qu'il surmonte ça. Oui, Vincent, je sais pas ce que tu en penses, mais Ali. On est, je pense, tous, on en parle à trois, mais je pense que tout ça peut faire pareil. On lui fait confiance. Depuis 10 ans, il a quand même pris au pied levé, je veux dire, la succession de Gina Thierry, avec le succès qu'il avait et le succès maintenant qu'il a toujours. Donc, oui, non, on ne peut que lui faire confiance, surtout venant de lui. Après, d'où ça vient? Est-ce que lui a perdu un peu de confiance? Parce que je pense que à l'entraînement et même avant les kick-offs, à l'échauffement, ça passe, même de très loin. Et même tout ce qui a plus de 50 yards, ça passait. Hein, ça passe toujours, mais est-ce que c'est une petite manque de confiance? Est-ce que c'est... Comment l'expliquer? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on lui fait confiance. C'est une petite mauvaise passe. On l'a dit depuis le début, sur chaque gars, il ne faudrait pas que ça dure. Mais en tout cas, je pense que c'est juste des problèmes de réglage et que ça va venir au fur et à mesure. Mais en tout cas, on est derrière lui et puis on lui fait confiance à 100%. Ça n'est pas Oui, de c'est souci. une certitude. J'ajouterais juste que tous les kickers ont des passages comme ça. Ce qui est anormal, c'est justement qu'on ait eu 3 années aussi régulières de Gostkowski sans passage à vide. Donc voilà, on espère que ça sera le passage à vide qu'on est en train de vivre actuellement sera plutôt l'exception et pas le signe d'un déclin. Ce à quoi je préfère ne pas encore croire. Oui, puis pour le moment, les matchs sont moins serrés, donc la pression est moins sur lui. Là où on va vraiment l'attendre, c'est quand les matchs seront décisifs et que ça sera serré et qu'on lui demandera de réellement le mettre les 3 points parce qu'ils coûteront cher à la fin du match. Effectivement. Exactement. Comme ça nous a coûté face aux Broncos l'année dernière en finale de conférence, où le petit point qui a manqué, c'est le point raté. Et d'ailleurs, c'est depuis ce moment-là qu'on en parle, parce qu'avant, on ne se posait pas la question de savoir s'il avait un souci ou s'il n'avait pas de souci. Hein. Effectivement. C'est une certitude. L'ironie du sort, si je peux me permettre, c'est que c'est un changement de règlement pour lequel Belichick avait milité l'intersaison précédente et malheureusement, ça s'était retourné contre nous. Donc on a parlé des special teams au niveau de l'attaque, mais au niveau défensif, c'est potentiellement aussi inquiétant. On a parlé notamment du cas de Bolden. Bolden qui faisait son retour de blessure, qui, dans le jeu, quand on a fait appel à lui, a droppé. Et au niveau de la special team, eh ben c'est pas ça non plus. Je crois notamment au retour de punt ou de kick, c'est extrêmement compliqué, n'est-ce pas Ali? Bah oui, effectivement, parce que comme je te disais, ça s'inscrit un petit peu dans une dynamique d'affaiblissement de la special team. Il faut savoir que la special team, c'est vraiment une unité qui est fondée sur l'énergie et la volonté, le momentum plus que sur des aspects tactiques. Donc effectivement, ça fait un ou deux matchs qu'on voit la special team concéder quelques petits retours. Alors là où en début de saison et dans la pré-saison, on laissait aucun espace aux retourneurs, donc c'est un peu, je dirais pas inquiétant, mais il faut qu'ils se ressaisissent. Et je pense que la bye week d'après le prochain match tombera à point nommé là-dessus. Après, un joueur comme Bolden, oui, effectivement. On félicitait un peu Bill Belichick pour voilà son idée d'accumuler les special teamers dans l'équipe, que ce soit King, Jonathan Jones et Bolden qui ne contribue pas beaucoup en attaque mais qui est vraiment un corps special teamer. Et là sur un match comme hier, enfin typiquement, Bolden ne justifie pas sa place dans l'équipe, donc il faut qu'il se ressaisisse. Parce que comme tu l'as dit, sur le seul jeu offensif par ailleurs où on a fait appel à lui et qui était normalement une passe assez facile et qui aurait dû permettre un first down, il a droppé et ça nous a obligés à punter. Donc voilà, la special team dans son ensemble va devoir se remotiver un petit peu. Vincent, qu'est-ce que tu en penses de Bolden et cette Special team défensif. En fait, je pense qu'il a tellement pas été présent que je l'ai même pas vu. Donc, j'ai pas forcément un avis tranché, puisque c'est vrai qu'il a pas été. Je me suis pas forcément attardé sur lui personnellement. Contrairement à Matt Slater, par exemple, enfin, je veux dire, en plus, on a toujours eu des spécificités dans les special teams, parce que ça a toujours été un point important de notre jeu. C'est peu de pertes de balles. Ils délogent moins le ballon facilement. Et puis, quand on leur donne le ballon, ben, ils le perdent. Donc, oui, c'est vrai que oui, Bolden, un avis tranché. C'est vrai que pour l'instant, c'est faiblard. On le voit pas beaucoup. À lui prouver que là, peut-être dans l'effectif, là, peut-être le niveau, mais pour l'instant, c'est vrai que le niveau, on l'attend encore. En tout cas, le peu qu'il fait, il ne fait pas bien. Bah, Bolden, le seul jeu sur lequel on l'a effectivement remarqué, comme je le disais tout à l'heure, c'est le punt qui aurait pu donner une position de 5 ou 6 yards et qu'il a poussé dans l'embute accidentellement en essayant de l'attraper, ce qui a fait Oui. perdre 14 ou 15 yards à l'équipe sur le coup. Mais bon, faut pas oublier quand même les beaux jeux qu'il a fait en début de saison. Je crois qu'il avait provoqué un fumble sur un retour. Donc, c'est un joueur qui peut justifier sa présence quand il est au top et quand l'unité carbure à plein. Donc, on espère que tout le monde va se Oui, je pense ressaisir. que voilà, ça va être. Le match des Bills, c'est un match de caractère. On l'évoquera par la suite. Donc tout le monde va se sentir concerné. Puis après, il y a la bye week pour régler sûrement certains détails. Notamment en parlant de détails, les turnovers. On a vu un de Chris Hogan, on en a vu un d'Edelman. Attention qu'on ne commence pas à faire ces erreurs bêtes là où on ne les faisait pas jusqu'à présent, messieurs. Est-ce qu'on commence déjà fatigué que la bye week nous ferait-elle du bien, Vincent? Non, non, non, non, non, non, non, je pense pas. Des erreurs bêtes parce que sur les deux, je crois, sur Edelman ou Bolden, ils avaient déjà les yeux sur les yards qu'ils allaient gagner avant même de regarder le ballon. Donc non, moi, je pense que c'est de la faute, un peu faute bête, faute d'inattention. Voilà. Après, moi ça m'inquiète pas personnellement. Moi ça m'inquiète pas. C'est pas comme s'il y avait, comme certaines équipes, des turnovers tous les matchs de la part un peu de tout le monde. Voilà, Bolden, il fait un jeu, il est froid, il rate, donc manque de bol, il sort. Après Delman, on a vu à la fin, après le match, il s'est bien ressaisi, il a fait des bons blocs et il a fait des bonnes réceptions, qui a permis de contribuer dans beaucoup de drives, d'avancer le match en complément de Blount. Donc non, non, ça m'inquiète pas. C'est voilà, des petites erreurs d'échauffement, on va dire. Ali, Oui, on effectivement. connaît la qualité d'Hogan, on connaît la qualité d'Edelman. Et je pense qu'effectivement, ce ne sont que des fautes d'inattention, sachant qu'en plus, les turnovers sont liés à des défenseurs qui arrivent dans leur dos et pas de face. Oui, effectivement, bon, Edelman, bon, c'est rarissime. J'ai pas tellement souvenir d'un punt qu'il aurait relâché ces dernières années. Donc c'est vraiment l'un des plus fiable et l'un des meilleurs retourneurs de l'équipe, si ce n'est carrément de l'histoire en termes de statistiques, en termes de moyenne de punt, de retour de punt. Donc, oui, je pense que là encore, c'est une affaire de motivation générale et d'ambiance générale et des petits détails de la concentration, etc. Bon, quand on a un kicker qui carbure comme un métronome et un punter pareil qui punte toujours à la perfection et des special teamers, des gunners qui réalisent des big plays et qui électrifient le groupe, en général, tout le monde tire dans le même sens. Après, quand il y a des petites baisses de momentum ou de concentration, bon, c'est là que peut-être que les jeux négatifs surviennent. Donc, ça ne m'inquiète pas outre mesure. Je pense qu'ils vont se reprendre. Et ça serait une bonne idée de se reprendre dès le prochain match. Quelqu'un qui va devoir aussi se reprendre sur le prochain match, après une première la semaine dernière plutôt intéressante, ah mais sur ce match-là, il s'est fait un peu damer le pion par son receveur direct. Et pourtant, il a débuté devant Logan Ryan. Il était devenu le corner numéro 2 de l'équipe. Vous l'aurez reconnu, je parle d'Eric Rowe, qui a débuté, qui a sorti Ryan du roster en tant que numéro 2. Et pourtant, sur ce match-là, Vincent, ah, ça a été très très compliqué. Ah oui, ça a été compliqué. On l'a vu, le premier touchdown qui nous a réveillé, hein, le touchdown contre Edward Bay, où il était aligné. Ouais, je trouve assez lent, long sur le tracé. Bon, c'est sûr que bon, quand on voit Butler à côté, bon, il n'y a pas photo, hein, mais je veux dire, en plus, il venait de tête de Philadelphie, donc c'est que non, il avait le niveau pour sûrement être dans les premiers. Hein. Mais visiblement, pour l'instant, le niveau. Alors, est-ce qu'il peine encore à s'acclimater peut-être au rythme de la défense, au schéma de jeu, ou je sais pas. Mais oui, c'est un peu fébrile, on va dire, sur les premiers matchs. Là, moi, je trouve même pas que sur lui, sur l'ensemble, même du début de la saison, je trouve ça assez un peu faible, là, un peu faible. Oh, sur son premier match, il a été plutôt cohérent face à AJ Green. Il a plutôt été pas mal. Est-ce que pour toi, Ali, c'est un manque de rythme? Ou c'est déjà son niveau qui plafonne? C'est un manque de plusieurs choses, mais bon, je m'inquiète pas du potentiel. Il vaut beaucoup mieux que ça, à mon avis. Il a été peut-être mal utilisé à Philadelphie, et encore, il était beaucoup moins mauvais que. Enfin, ça a été même une surprise, je crois, même du côté de certains fans de Philadelphie, d'apprendre qu'il avait été tradé. Sur ce match-là, bon, clairement, on peut pas dire le contraire. Il a perdu son duel sur Ward Bay, mais sur le touchdown, c'est une erreur qui travaillera peut-être à l'entraînement. C'est que si on se revisualise l'action, il aurait mieux fait d'essayer de propulser son receveur en touche que d'essayer de lui contester le ballon. Mais bon, ça, c'est, je pense qu'il va être recadré sur ça à l'entraînement. Après, il y a un deuxième touchdown qui a été annulé pour un holding, mais où il s'est fait clairement griller par Ward Bay. Après, Ward Bay, faut savoir que c'est un joueur ultra véloce, hein, grand et véloce. Disons qu'il est passé à côté d'une grande carrière, mais il a des qualités athlétiques assez impressionnantes. Peut-être meilleures que celles d'Antonio Brown. Sachant que Brown avait été drafté au sixième tour et que Ward Bay à l'époque avait été drafté en haut de premier tour. Et disons qu'à la limite, c'est Antonio Brown fait dans cette équipe ce qu'on attendait plutôt au départ d'un joueur comme Ward Bay. Donc c'est un joueur difficile à défendre pour un grand gabarit, mais quand on voit ce qu'il a sur le peu ce qu'il avait fait face à Edgy Green. Et ce qu'il avait fait contre nous l'an dernier, et également contre un match contre les Lions, contre Calvin Johnson, où il avait été plus que correct. Je pense que ce joueur a un potentiel contre les grands receveurs de taille. Écoutez, on verra bien ce qu'il donnera. Oui, je pense que c'est. Il faut qu'il tente qu'il s'acclimate à tout ça, le temps qu'il reprenne du rythme. Hein. C'est que c'est son deuxième match de la saison. Donc, en tant que maintenant corner numéro 2, on espère qu'il fera énormément bien à notre équipe. Donc, celui qui a quand même perdu sa place de corner numéro 2, évoquons quand même son cas. De Logan Ryan. Alors, Logan Ryan qui. Pour certains, pour vous en tout cas, messieurs, n'a pas été si mauvais que ça. Vincent, dis-nous tout. Dans ce que je me rappelais du match, et voilà, je l'ai vu sur certaines bonnes actions. Je crois qu'il doit être en doublette avec Durant Harmon sur certaines actions. Après, on va dire, depuis qu'on l'a dans l'équipe, depuis d'autres, Ali ou Seb, peut-être mieux que moi, je ne sais plus depuis combien d'années il est dans l'équipe maintenant, Logan Ryan, hein, peut-être 2-3 ans 2013, il a maintenant, été 3 saisons. drafté en 2013. D'ailleurs, il avait C'est fait une très bonne année rookie et prometteuse. C'est la deuxième qui avait été un peu plus délicate. vrai. Oui, et on va dire, voilà, j'ai. C'est comme je disais tout à l'heure, dans la hiérarchie, il fallait bien 1, 2, 3. Voilà. On va dire, c'est en étant décevant, c'est pas le pire. Mais voilà, moi, j'ai toujours trouvé faible. De toute façon, c'est un défenseur que j'ai toujours trouvé assez faible. Mais bon, après, c'est mon avis. Voilà, après, je trouve, pour le peu qu'il a fait, je trouve que c'est pas mal. J'ai vu certaines actions, c'est pas mal démerdé. Voilà, il était présent. Mais bon, après, il n'a pas. Je sais pas, est-ce qu'il durera dans l'équipe? Ça, je sais pas. Il y a d'ailleurs plusieurs saisons où moi, je pensais qu'il n'allait pas être gardé. Mais pourtant, si. Voilà, à voir la suite. Ali, pour toi, Logan Ryan, il a fait un match sans plus ou ça a été plutôt bon? Plutôt bon, j'irai pas jusque-là. au risque de me faire bannir du fan club français des New England Patriots. Ah, c'est possible, ma question n'était pas due d'intérêt. Non, non, Ah, je tu me rigolais, savonnes bien la planche là, entendu. tu. Où ça Bah glisse, écoute, oulala. moi, enfin, je veux dire, c'est pas, enfin, je veux dire, intrinsèquement, il n'est pas aussi catastrophique qu'on le dit. Il est certes énervant parce que il est souvent pas très loin de faire des défenses, mais il concède quand même le jeu et ça se transforme en première tentative. Ça c'est arrivé au moins deux fois dans ce match. Où il n'aurait pas été très loin de pouvoir défendre, mais il se fait battre. Après, il peut être utile en fonction de la manière dont on l'utilise. Belichick, je pense, en dehors du fait qu'il vient de la fac fétiche de Belichick, à savoir Rutger, je pense qu'il l'apprécie plutôt pour ses qualités cérébrales. Ses qualités d'instinct, etc. C'est pas un joueur qui se démarque par des qualités athlétiques hors normes. Après, comme je le dis, bien utilisé, par exemple en double team sur le receveur numéro 1, il lui arrivait de produire de bons matchs. Après, la valeur ajoutée de Rick Rowe par rapport à lui, c'est justement que Rowe, on aura peut-être un peu moins peur de le laisser en couverture individuelle face à des top receveurs. Après, bon, ça a marché contre AJ Green. Faut voir comment ça se déroulera sur la durée, mais je pense que c'est la valeur ajoutée comme cornerback extérieur numéro 2 de Rowe, c'est surtout ça, c'est de pouvoir tenir tête à un receveur sans forcément avoir le safety tout le temps à ses côtés pendant tout le match. Et à ce moment-là, peut-être replacer Logan Ryan en slot. Enfin, bon, à voir. On verra bien comment ça va le dérouler le reste de la saison et dès la semaine prochaine face aux Bills. Ah mais justement, messieurs, nous, on part tout de suite faire la preview du match de la semaine prochaine face aux Bills. Avant d'évoquer le match face à Buffalo de la semaine prochaine, petite news transfert qui vient de tomber pendant l'enregistrement de l'émission ce mardi soir. Les Patriots récupèrent en trade le linebacker Cal Van Noy contre un 6e choix et on récupère aussi dans l'échange un 7e. Or, c'est sûrement pour compenser au niveau de la special team et c'est sûrement un pari que peut faire Bill comme il peut faire chaque année, comme on a pu faire avec Azias, Ayers ou Boystick. Maintenant, messieurs, place au match face à Buffalo. Alors, je dirais qu'une seule chose pour préparer ce match, 16-0. Eh oui, 16-0, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est le dernier résultat, la défaite des New England Patriots et la seule de la saison face aux Bills. À domicile en plus, alors certes, et ça c'est une grosse clé du match, on n'avait pas Gronk, on n'avait pas Tom, on n'avait pas l'attaque que l'on a depuis 3 matchs. Messieurs, face aux Bills et avec notre attaque, est-ce que ça va être à sens unique ou est-ce qu'on va avoir des difficultés face à cette défense qui est pour le moins hargneuse, Vincent? Non, ça va être la fessée, hein. Ça va être leur fessée. Hein. Pour effacer cet affront du 16-0, ça va être la fessée. Hein. On pourrait dire en avant Buffalo Bill. Hein. Politique, hein, en avant Buffalo Bill. Voilà. Ah, bref. Voilà, continuons. Donc, non, on espère tous que ça soit leur rendre leur pièce. Parce que le 16-0, c'était pas mérité. On aurait dû d'ailleurs marquer 3, au moins 3 points. Donc, le shutout n'aurait pas dû exister, mais c'est pas grave. Mais c'était voilà un autre temps, c'était voilà quelques semaines, c'était pas du tout la même équipe. En face, c'était la même, mais nous, ce sera pas la même. Voilà, donc par contre, oui, on va développer après tout ce qu'il va falloir faire, pas faire, et améliorer pour aller affronter les Bills dans les meilleures conditions. Alors, allez rapidement, en un mot, ça va être la fessée comme l'espère Vincent ou ça va être un peu plus compliqué? J'espère, rien que sur l'orgueil, sur le sursaut d'orgueil de l'humiliation du premier match, je pense qu'on attend d'eux qui répondent. Après, effectivement, en termes d'armes, bon, il n'y a pas photo. Hein, On retrouve le trio qui de facto n'existait pas contre eux, à savoir qu'on avait non pas Brady, mais un troisième quarterback blessé de surcroît, et deux tight ends qui n'avaient pas l'alchimie avec lui et qui n'avaient pas tellement confiance en lui dans le jeu de passe. Donc, voilà, ça sera à mon avis le jour et la nuit du côté offensif, sans pour autant minimiser le défi que représente leur défense et leur front seven. Du côté de leur attaque, faudra se méfier. Ça m'étonnerait pas qu'ils réussissent à nous marquer des points après, parce que bon, quand même, ils sont sur une dynamique de confiance. Après, faut voir si j'ai pas d'infos là-dessus, mais si le Sean McCoy est remis de sa petite blessure du dernier match. D'accord. Oui, ça va être l'an dernier. Je me rappelle, j'ai vérifié, ça avait fait 40 à 32. Je m'attends pas à autant de points, mais bon, j'espère. Enfin, sachant qu'on avait pris pas mal de points en fin de match, mais qu'on avait dominé jusque-là. J'espère à peu près enfin, un scénario voilà où on arriverait quand même à plier le match. Après, fessé, ça serait en bonus. Mais bon, on gagne ce match en espérant pas trop en espérant éviter des blessures parce que c'est des matchs souvent assez physiques contre les Bills. Donc, voilà. Alors, rentrons un petit peu en détail quand même sur les clés du match. Donc, évidemment, on a parlé de l'orgueil. Ne pas oublier le contexte, c'est un match de division qui est toujours un match toujours plus compliqué face à cette défense des Bills qui, pour moi, marche bien, plutôt pas mal. Première clé du match, messieurs, évidemment, comme on l'a fait la semaine dernière, installer le jeu de course et que cette ligne offensive fonctionne, crée des espaces et évite les pénalités, Vincent. Et tout à fait. Et si on pouvait avoir la même réussite à la course qu'a eu Miami ce week-end, ça serait l'idéal. Puisque c'est vrai que les Bills revenaient sur des matchs, je veux dire, ils étaient en confiance, et boum, ils perdent et ils se prennent plus de 200 yards par un seul homme, Ajayi, sur l'ensemble du match. Donc si Blount, on n'espère pas autant, ou même presque le monstre à deux têtes, rajouter peut-être un James White qui pourrait rajouter de l'intensité à la course. Ouais, si on pouvait déjà les mettre à mal au niveau de la partie défense, au niveau de la partie, pardon, de la course, oui, je pense que déjà, ça pourrait déjà leur pointer peut-être des faiblesses et leur mettre peut-être un coup au moral. Après, on va parler de la partie attaque aérienne, mais si déjà le jeu de course s'installe, je pense que ça rajoutera une carte à jouer. Allez, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Blount, là encore, comme le match face aux Steelers, ça va être une des clés les plus importantes dans ce match pour pouvoir installer le jeu de course aérien? Oui, bah je suis assez d'accord. Oui, c'est si bon sur le papier, on s'attend pas forcément à une performance mirobolante, mais bon, on a vu Miami a montré la voie, on a vu que c'était possible. Après, si on arrive, ne serait-ce que à suffisamment installer le jeu de course pour en faire une menace et pour libérer notre jeu aérien, notamment nos deux tight ends, que je pense que les Bills auront plus de difficultés à défendre que Blount. Bon, voilà, enfin ça, la clé du match, disons, si on inverse la problématique du côté des Bills, s'ils veulent survivre dans ce match, c'est de bloquer Blount. Est-ce qu'ils y arriveront, c'est une autre histoire. Exactement. Alors, on a parlé de l'attaque, on a parlé du jeu de course, et évidemment, le jeu aérien. Avec nos cibles, nous n'avons pas forcément besoin de le citer, hein. Maintenant, du côté défensif, il va falloir, tu en as parlé, Ali, tout à l'heure, faire attention à LeSean McCoy. Et ça va être la priorité numéro 1 de cette défense au sol. Et notamment, on espère, de évidemment Chung, Jamie Collins et notre front seven en général, Vincent. Oui. Et là, je regardais pour information là, sur le match des. Alors, il s'est blessé peut-être. C'est vrai que je n'ai pas suivi. Peut-être que LeSean McCoy s'était peut-être blessé dans le match. Mais en tout cas, le meilleur coureur, le meilleur running back de l'équipe contre les Dolphins, c'était le quarterback. C'était Tyrod Taylor. C'est lui qui a fait le plus de jeux de course. Il a dû faire 35 yards. Donc, c'est lui le meilleur running back. Donc, il faut pas se méfier que LeSean McCoy, parce qu'il sera blessé, mais peut-être pas. Je pense qu'il faut aussi se méfier de Tyrod Taylor parce que lui, au niveau de la course, il peut aussi nous faire des jeux de sortie de nulle part et partir sur des feintes, et essayer, voilà. Donc, s'en méfier quand même, pas forcément que des running backs, mais également du quarterback, qui peut être une menace à la course. Oui, c'est ça. Aussi, tu as tout à fait raison, Vincent. le jeu d'options de Taylor qui peut feinter une course, qui peut envoyer une passe sur nos cor sur, ne, sur le receveur et notamment viser certains corners qui sont potentiellement plus faibles. Je ne désignerai pas, on en a déjà parlé bien assez souvent dans cette émission. Mais Ali, la première menace, au-delà de LeSean McCoy, va peut-être aussi venir de Taylor. Oui, effectivement. On voit Taylor sur ce début de saison émerger comme un quarterback assez complet. Hein. Je ne veux pas dire qu'il fait partie du gratin de la ligue, mais assez complet, qui sait passer à bon escient, courir à bon escient et utiliser ses running backs à bon escient. On a parlé ces derniers matchs de nos difficultés à conclure le pass rush, à générer des sacs. Donc là, a fortiori, sur un match comme ça, avec un quarterback aussi mobile, je ne me fais pas beaucoup d'illusions, à moins que sa ligne offensive l'abandonne complètement. Mais bon, disons qu'il va falloir réussir à le contenir. Ce sera la clé. Le contenir et essayer de couvrir ses menaces aériennes. Enfin, dit comme ça, c'est simple, mais je pense que ça va être pas mal ça. Après, le jeu de la défense contre la course pure avec Jamie Collins et Dont'a Hightower dans leur forme actuelle, je me fais pas beaucoup de soucis. Et la ligne défensive aussi est assez performante là-dessus. Donc voilà, si on veut simplifier la problématique pour eux, ça va être et pour nous. Pour notre défense, ça va être de gérer la double menace que représente Tyrod Taylor, pardon. C'est une certitude. Et évidemment, la dernière clé, c'est la performance de nos special teams qui ont été plus en difficulté la semaine dernière, à qui on attend d'elles qu'elles fassent le job, que ce soit Gostowski qui retrouve la mire, ou que ce soit Allen, ou même du côté défensif, de ne pas laisser des opportunités à l'attaque des Bills de bien se positionner. Alors, messieurs, on va terminer évidemment par le célèbre pronostic. Vincent, quel est ton pronostic sur ce match de la semaine prochaine? Eh ben, je l'avais noté, parce que je savais qu'on allait me poser la question. Donc, genre, je pronostique pour le match 37 à 17. 37 Patriots, 17 Bills. Ali, ton score? 37-17, Vincent? Oui, c'est ça. Il m'a piqué mon pronostic ambitieux pour cette semaine, donc du coup je vais être un peu moins ambitieux. On va inverser les rôles pour une fois. Je vais dire allez, 31-17. Ce qui est quand même un score aussi tout à Oui, fait. correct, mais bon, ça sera pas, bon, on sera pas tout à fait à la fessée espérée, mais pas loin. Oui, bah écoute, La victoire, moi je la pense principale. aussi, ça va être un score où les Bills se voient être en dessous des 20 points, ça c'est une certitude, je pense qu'effectivement autour des 16. Après, au côté de l'attaque des Patriots, je pense qu'on va être autour, allez, faisons-nous plaisir, 40, 40 à 16 pour Patriots. Voilà, je pense que vexé du 16-0 à domicile, la réaction d'orgueil et le caractère énervé de Tom sur ce match fait que ça peut devenir un match assez violent au niveau offensif. Je pense qu'il va avoir à cœur de venger la défaite des 16-0, je pense. Oui, je pense aussi. Mais En bon, tout ça cas, va être ce qui va être sûr, c'est que une ça va preuve être un beau d'équipe, match. hein. Oui, Je pense. ça va être un beau match. Attention à ne pas surjouer. Attention à non plus ne pas vouloir forcer la décision tout de suite. Ah, Ah, Rex après, on peut Ryan a avoir dit des joueurs. sur Après, ce on peut match avoir que des si joueurs on qu'on n'est peut. pas motivé à celui-ci, on le sera jamais. C'est vraiment pour eux, c'est un match charnière s'ils veulent pour une fois espérer se qualifier en playoff. Donc Ouais, ça puis on a va ajouter à encore, l'enjeu. et puis on a Oui, encore ça des va ajouter à joueurs qu'on n'a pas beaucoup l'enjeu. vus. Hein. On a Tout à Amendola qu'on n'a fait. pas encore beaucoup vu. Bennett, je pense que ça va être, à l'inverse, ça va être plutôt le match peut-être d'Amendola ou de Bennett. Attention au vice. Attention au vice à cette équipe des Bills. Surtout avec un Rex Ryan comme coach. Attention au coup de vice. On a vu déjà au match aller où ça a provoqué Mitchell, notamment avant le match. Attention à ça parce que je pense que les joueurs de Buffalo seront très remontés. Ben écoutez, messieurs, merci pour cette émission. Merci de m'avoir accompagné cette semaine. Bah merci à tous les deux. Merci de m'avoir invité, Cédric Ali. Puis peut-être que ma surprise, ça va être un chèque cadeau, peut-être, je ne sais pas. Je passe à Je crois que c'est une question de budget, faudra en parler au prise, mais on n'en est pas encore là. À quoi, vous avez des places pour le Super Bowl pour moi? Putain, c'est sympa. Franchement, je vais aller. Ça faudra en parler au président. Je ne gère pas le budget du fan club. Je t'embrasse, président. Je t'embrasse. Non, en tout cas, moi, la petite news, Vincent, tu l'as évoqué, que vous attendez, que vous avez entendu toute l'émission, c'est que je vous donne rendez-vous le dimanche 13 novembre à 17h pour un podcast en direct. Oui, nous allons faire cette saison le podcast juste avant le match des Seahawks en direct. Je serai évidemment accompagné notamment du président où on fera un bilan juste avant le match des Seahawks. On répondra à vos questions, donc préparez vos questions et notez dans vos agendas que le dimanche 13 novembre à 17h, on aura une émission spéciale en direct. Ben écoutez, moi, il me reste à vous dire de retrouver le fan club sur Facebook, sur Twitter, @FCFNEP, sur le forum. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires du forum, sur le Facebook du fan club et sur Twitter. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, de bons matchs NFL, un bon match New England Patriots. Et n'oubliez pas, le fan club français des New England Patriots, partout, toujours. Bonsoir. I'll patch up this cut.